rapport à Patalk. Attends, moi je te parle dans les deux endroits en fait. Tu vois une différence ou pas? J'ai muté les autres. Mais je crois qu'on m'entend. T'es parti, hein. Thank you.